agents britanniques qui travaillaient au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. Car les paroles passent entre les hommes, mais le silence, s'il a eu un moment l'occasion d'être actif, ne s'efface jamais. Et la vie véritable, et la seule qui laisse quelques traces, n'est faite que de silence. Rassemblez vos souvenirs, dans ce silence auquel il faut avoir recours encore, afin que lui-même s'explique par lui-même. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. S'il m'est arrivé de vous proposer des émissions tonitruantes, celle que voici est vouée à échapper tout à fait à cette catégorie, peut-être devrait-elle être même murmurée. Car c'est du silence à travers les âges, que nous allons parler aujourd'hui. Parler du silence à la radio, voilà qui paraît de prime abord paradoxal au cœur de l'univers des mots en continu et des bruits de toutes sortes qui sont portés jusqu'à vous par les ondes. Et pourtant, est-ce si sûr? Un homme qui fut l'un des maîtres de l'art radiophonique à France Culture, et je suis sûr que beaucoup s'en souviennent, Alain Trutat aimait à célébrer ce silence comme une composante fondamentale dans toutes ces infinies variétés de la richesse de notre média sans pareil. Ses amis et ses disciples aiment à rappeler que sur son lit de mort, ses derniers mots ont été « silence, silence ». C'est donc à la mémoire d'Alain Trutat que je dédierai notre rencontre de ce matin, une rencontre avec Alain Corbin, le grand historien de toutes les sensibilités, qui a ouvert tant de voies neuves à notre discipline et à ses curiosités, et que je suis fier d'accueillir. Il publie ces jours-ci un livre qu'il a intitulé « Histoire du silence, de la Renaissance à nos jours », un livre très précieux. Au long d'un parcours à travers la littérature des 5 derniers siècles, il démontre avec éclat que le silence est tout autre chose que l'absence du bruit, et qu'on trouve un grand profit esthétique, moral, affectif, à le considérer comme une condition du recueillement, de la rêverie, de l'oraison, comme un décor secret des passions, des énergies et des tendresses, qu'enfin il est permis d'en parler à loisir, sans offenser en rien sa prodigieuse vitalité. Un jeune moignon pose la question à son maître, qu'est-ce que le silence? Alors ils sont tous les deux en train de se promener sur un énorme plateau désertique. Et puis quand le jeune moignon lui pose la question, le moine presse le pas, ne répond pas, ne dit rien. Et le jeune moine lui tire la rome, qu'est-ce que le silence? Qu'est-ce que le secret du zen? Qu'est-ce que le silence? On dit que le silence est le secret du zen. Qu'est-ce que c'est que ce silence? Et le moine ne dit rien, ne répond pas. Alors, ils continuent leur promenade. Le jeune, qu'est-ce que le secret? Qu'est-ce que le silence? Il arrive au bord d'un précipice. Et au bord de ce précipice, il y a un arbre dont les racines sont inscrites en bordure dans les rochers. Et l'arbre est en surplomb au-dessus du vide. Il pousse perpendiculaire comme ça, donc à la falaise, et le vieux moine, le maître, dit à son jeune disciple, « Tiens, tu vas marcher le long de cet arbre, c'est du vide. » Le disciple est un disciple affectueux, dévoué, qui écoute son maître en toutes circonstances, et voilà qui marche le long de cet arbre, avec beaucoup de précautions, bien sûr, enfin... Et puis, à une certaine distance, le maître l'arrête et lui dit « Maintenant, tu vas mordre la branche. » et te laisser suspendre dans le vide. Et voilà le moine, le jeune moignon, qui est suspendu dans le vide. Tu lâches les mains maintenant, uniquement avec les mâchoires. Il est suspendu dans le vide, un peu comme un fruit vert qui flotte dans le vent. Et à ce moment-là, le maître se penche et lui dit maintenant, dis-moi, qu'est-ce que le secret, qu'est-ce que le silence ? Alain Corbin, bonjour. Bonjour. Je viens de vous proposer l'interview d'un moine bouddhiste, resté anonyme. C'est un conte sur le silence que j'extrais des Nuits Magnétiques, l'émission de Colette Fellous sur France Culture, le 29 mars 1999. Le silence, le mystère, est-ce que ce coup d'archet vous convient pour notre conversation ? Très bien, puisque le jeune moignon est absolument obligé de faire silence. Et tout son être doit se concentrer dans ce silence, sinon il est mort. Donc, je pense que c'est une bonne introduction. Le silence comme contrainte, mais c'est peut-être aussi un choix, un désir, une volonté, une préférence. Bien sûr, mais pour bien des êtres qui ont vécu du 17e au 19e, le silence était une richesse fondamentale, ce que on a tendance à oublier. Je pense que nous allons le faire comprendre au long de cette conversation qui s'ouvre, une conversation. Évidemment, c'est un peu paradoxal de parler de silence à la radio, mais après tout, c'est l'avers et le revers d'une médaille. Le juste et l'injuste, le sage et le fou, le beau et le laid, le silence et le bruit. Mais il n'y a pas que la radio. Le cinéma a d'abord été un cinéma peut-être de silence, bien que ce soit contesté, parce que le cinéma muet avait en quelque sorte ses façons de ne pas faire silence, c'est-à-dire d'exagérer les mimiques, par exemple. D'autre part, il était accompagné, donc il n'est pas totalement silencieux. Mais le silence est fondamental au cinéma parlant, au début. Et aujourd'hui, nous dit-on, disent les spécialistes, le cinéma ne sait plus faire silence. Ou ne peut plus faire silence. Et les spectateurs n'aiment pas le silence au cinéma maintenant, paraît-il. Le silence ferait-il peur ? Ah oui, oh ben bien sûr. Non seulement le silence fait peur, mais il fait très peur, par exemple, aux enfants qui l'identifient à l'ennui et qui ont peur de se retrouver seuls avec eux-mêmes. Alors que, il y a encore une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années, les enfants supportaient relativement bien le silence qui permettait le rêve, qui permettait à l'imagination de travailler en fonction, par exemple, des bandes dessinées qui venaient d'être lues. Vous nous dites déjà que les civilisations successives, les moments et conjonctures qui se bousculent les unes les autres correspondent à des relations très différentes en face du silence. On le supporte, on le souhaite, on le refuse. Oui, c'est pour ça que j'ai fait ces livres. C'est pour bien souligner, je prendrai un exemple qui a été souligné par Chateaubriand, c'est que le silence du XVIIe siècle n'est pas le silence du XIXe siècle. Le silence du XVIIe siècle est un silence ouvert à la réflexion sur soi-même, à la méditation, à l'introspection, à la prière, à l'oraison. Le grand fondateur, ou du moins réformateur de la Trappe, l'abbé de Rancé, a écrit toute une instruction, sa 29e instruction consacrée au silence, chemin de la prière. Mais Rancé, dont Chateaubriand a fait oui, la biographie. Oui, justement, mais quand Rancé vient écouter le silence du XVIIe siècle à Soligny-la Trappe, dans l'Orne, il n'y arrive pas parce que lui est un romantique, fils du code du sublime, c'est-à-dire qui aime les tempêtes, qui aime les bourrasques, le vent dans les cheveux, que sais-je encore, qui a connu la Révolution. Il n'arrive pas à retrouver le silence du XVIIe siècle. C'est un jeu, cette archéologie du silence. On peut s'y livrer. Quand on est en face de ruines, par exemple, on est astreint à réfléchir à ce que pouvait être le silence du temps de la ruine, le sphinx, quand vous êtes face au sphinx, par exemple. C'est un bloc de silence, le sphinx. En somme, le silence n'est pas du tout une immuabilité. Il a changé beaucoup de siècle en siècle. Vous évoquez le 17e, le 19e et le nôtre, 21e. Oui, alors justement, j'y reviens. C'est parce qu'il est un objet d'histoire qu'on peut écrire une histoire du silence. Alors aujourd'hui, il est maigre. Hein, il est très maigre. Je ne suis pas compétent parce que ce sont les sociologues, hein, les sémiologues, que sais-je encore, qui étudient cela. Mais je pense que on a perdu beaucoup de la richesse du silence, de la richesse attendue. Alors, je voudrais que nous commencions, Alain Corbin, par considérer les lieux spécialement propices au silence. Et vous vous étonneriez, je pense, que je ne vous fasse pas entendre un extrait du Silence de la mer. Oh, c'est un beau livre, oui. De Vercors, qui a tellement compté dans les sensibilités de la résistance à l'époque et après. Jean Brulaire dit Vercors. C'est une lecture de Jean-Pierre Lituac, le 10 avril 1954. La porte donne sur le jardin de plein pied. Tout le long de la maison court un trottoir de carreaux rouges très commode quand il pleut. Nous entendîmes marcher le bruit des talons sur le carreau. Ma nièce me regarda et posa sa tasse. Je gardais la mienne dans mes mains. Il faisait nuit, pas très froid. Ce novembre-là ne fut pas très froid. Je vis l'immense silhouette, la casquette plate, l'imperméable jeté sur les épaules comme une cape. Ma nièce avait ouvert la porte et restait silencieuse. Elle avait rabattu la porte sur le mur. Elle se tenait elle-même contre le mur sans rien regarder. Moi, je buvais mon café à petits coups. L'officier à la porte dit « S'il vous plaît ». Sa tête fit un petit salut. Il sembla mesurer le silence. Puis il entra. La cape glissa sur son avant-bras, il salua militairement et se découvrit. Il se tourna vers ma nièce, sourit discrètement en inclinant très légèrement le buste. Puis il me fit face et m'adressa une référence plus grave. Il dit « Je me nomme Werner von Ebranach ». J'eus le temps de penser très vite. Le nom n'est pas allemand, descendant d'émigrés protestants. Il ajouta « Je suis désolé ». Le dernier mot prononcé en traînant tomba dans le silence. Ma nièce avait fermé la porte et restait adossée au mur, regardant droit devant elle. Je ne m'étais pas levé. Je déposais lentement ma tasse vide sur l'harmonium et croisais mes bras et attendis. L'officier reprit. Cela était naturellement nécessaire. J'eusse évité, si cela était possible. Je pense mon ordonnance fera tout pour votre tranquillité. Le silence se prolongeait. Il devenait de plus en plus épais, comme le brouillard du matin. Épais et immobile. L'immobilité de ma nièce, la mienne aussi sans doute, alourdissait ce silence, le rendait de plomb. Comment expliquer le succès formidable du Silence de la mer de Vercors ? Est-ce que c'est un contraste avec le bruit extrême de la guerre ou il est-il Non, plutôt... je ne pense pas. Je pense qu'une interprétation possible, c'est que ce Werner von Ebranach va revenir l'année suivante et trouver un autre silence, parce que lui a compris quelle était la valeur du silence de la France. De ce silence qui est devenu un silence de résistance. Donc Vercors a joué sur toute une gamme de silences, chronologique en quelque sorte. C'est par le silence qu'il fait ressentir la force de la résistance française, et je crois que c'est la cause du succès. En même temps, il nous dit la prodigieuse variété du silence, voilà. Des silences. Des silences. La variété des silences dans l'instant, on vient de le voir, mais aussi la variété des silences selon les années. Et suivant les lieux, je voudrais que nous essayions de faire une sorte de répertoire des lieux spécifiquement propices au silence. Il y a la chambre, cette chambre que Michel Perrault a étudiée de façon si pertinente récemment. Je vois que Claudel disait « Toute chambre est comme un vaste secret ». Oui, et un secret silencieux. Ce sont les symbolistes, je pense, qui ont été le plus loin dans cette direction d'étudier la chambre. Je pense au poète un peu oublié aujourd'hui, Rodenbach. C'est-à-dire que la chambre est bien sûr le lieu de l'intimité. Poète belge. Et de l'intimité et du silence. Le silence se répercute en quelque sorte ou est approfondie par tous les objets de la chambre. Les rideaux dessinent le silence, les vitres par lesquelles l'enfant, par exemple, regarde à l'extérieur, sont du silence. Le lustre raconte des histoires au moment où l'enfant s'endort. Je prends cet exemple de l'enfant. La lampe de chevet. La lampe de chevet. Et lorsque, par hasard, il y a un aquarium, alors le silence des poissons, le silence de l'eau, le silence redouble le silence de la chambre. Et il y a des cas tout à fait particuliers de silence de la chambre, c'est le silence du malade. Le silence du malade qui intensifie le silence initial, en quelque sorte, de la chambre. On en arrive là à Proust, qui avait fait mettre du liège sur tous les murs de sa chambre. C'est pour se protéger du bruit, mais comme malade le aussi. Silence de la chambre et peut-être du silence du malade dans la chambre est à la fois le silence du malade qui trouve son décor dans le silence de la chambre. Et je ne parle pas de la chambre funéraire, de la chambre mortuaire. Bon, tout ça est plus triste. Rodenbach esquisse une sorte de chromatisme du silence. Il explique que le gris est la couleur sensible du sensible, avec comme le blanc du plumage des cygnes, des canaux de Bruges. Et il a écrit un très beau livre sur Bruges la morte. C'est qu'il est vrai que les cygnes qui circulent sur les canaux de Bruges sont des symboles du silence. Le cygne, d'ailleurs, est un animal du silence, comme le lys dans le domaine de la fleur. Et il y a des animaux qui incarnent spécifiquement le silence ? Étant originaire du Bocage, j'ai eu des expériences de silence face à l'animal, la vache, tout simplement. Quand une vache, dans le silence, solitaire, vient vous voir alors que vous êtes vous-même solitaire et vous regarde, on a l'impression que ce silence est très fort, et le philosophe Max Picard faisait vraiment de la vache un symbole, non seulement un symbole du silence, non seulement un bloc de silence, mais il écrivait que la vache porte en elle, en quelque sorte, le silence et vient l'offrir au spectateur humain. Il y a aussi les cathédrales, nous en parlions tout à l'heure, les églises, les cloîtres. Il y a d'ailleurs une formule très répandue. On parle de silence d'une cathédrale, quand on veut dire que c'est un silence d'un lieu extrêmement silencieux. Pour Claudel, par exemple, les vitraux inaugurent une sorte de dialogue silencieux avec celui qui le regarde. Dialogue silencieux permis par le fait que la cathédrale elle-même est un bloc de silence. Il y a une résonance du son qui est une façon de saluer au silence, c'est ça ? Oui, oui. Et la couleur des vitraux est elle-même inspiratrice d'un certain silence. On trouve même les prisons, la question du silence et du bruit dans la prison. Edmond Goncourt, qui se rappelait que son frère Jules était mort aphasique. Oui. Ça, c'est un cas de silence contraint. Oui. A écrit dans La fille Elsa, a expliqué comment il y avait une sorte de destruction de l'être par le silence pénitentiaire. Oui, ça, le silence pénitentiaire obsède les théoriciens du 19e siècle. On pense à Tocqueville. C'est qu'il y avait deux options. D'abord, de bâtir des prisons silencieuses, d'y enfermer chaque détenu dans une cellule. C'est le système cellulaire pennsylvanien qui a été très critiqué, qui aujourd'hui l'est encore plus parce qu'il peut conduire au suicide. Face à cela, il y avait le silence en groupe, le système d'Auburn. On fait travailler les détenus, mais ils doivent garder le silence dans l'atelier. Ce qui était sans doute très difficile à faire respecter. Mais ce qui prouve que dans la réflexion pénitentiaire qui est très forte au XIXe siècle et qu'a étudié Michel Foucault, le silence a une place importante. Alors venons-en aussi au silence de la nature. Parce que dans votre livre, Alain Corbin, vous lui faites une place importante. Je pense notamment à un des premiers grands écrivains américains qui était Thoreau, qui évoque les petits bruits qui créent le silence. Oui, alors à ce propos, justement, à partir du milieu du XVIIIe siècle, quand naît l'âme, se déploie l'âme sensible, on quitte le silence du XVIIe. Et le silence de la nature est tout à fait caractéristique de ce tournant. Puisque vous citez celui que j'admire le plus de tous ces écrivains en matière de silence, c'est-à-dire Henry David Thoreau, pour lui, le silence était dans ses promenades interminables, puisqu'il dit qu'il a voyagé 40 ans à Concorde, c'est-à-dire dans sa ville. Ce silence était ce qu'il recherchait le plus, fondamentalement. Mais ce silence, il considérait, comme Maurice de Guérin, qu'il ne pouvait être révélé que par l'existence de petits bruits. Dans la nature, le silence n'est jamais absolu. Mais sa richesse et ses textures, en quelque sorte, multiples, très importantes, très agréables, très fondamentales, sont révélées par le bruit d'un petit croassement lointain d'une grenouille, voire par un moustique. On a besoin, en somme, pour que le silence soit perçu comme tel, qu'il soit légèrement révélé par le bruit. Chacun l'a éprouvé, et très souvent dans l'enfance. Dans l'enfance, la présence dans la nature est aussi, non pas paysage sonore, mais petits éléments, une jonquille, et aussi le bruit, comme je viens de le dire, d'une petite grenouille ou du poisson qui fait du bruit dans la rivière. Alors que le serpent incarne au fond ce silence, puisque c'est l'animal qu'en principe on n'entend pas du tout. Voilà, alors justement, il est maléfique. C'est pas un hasard si dans la Genèse, la chute et toutes les catastrophes qui ont suivi pour l'espèce humaine, si j'en reviens à Milton par exemple, il a murmuré dans l'oreille d'Ève la tentation, donc il a quand même parlé. Mais, on l'a tous éprouvé, la découverte brutale d'un serpent fait peur, en partie par, peut-être fondamentalement par son silence. Une autre bête fait moins peur. Un chien qui aboie fait moins peur qu'un gros serpent qui apparaît en silence, je suppose. Il y a un autre monde où le silence compte beaucoup, c'est celui des ruines. Les ruines présentent une qualité spécifique de silence. En tout cas, c'est ce que dit Chateaubriand, puisqu'il évoquait les ruines de Palmyre, c'est l'occasion d'évoquer Palmyre, de demeure du silence, en évoquant à son propos la mort si poétique parce qu'elle touche aux choses immortelles et si mystérieuses à cause de son silence. C'est absolument fondamental. Si l'on veut goûter des ruines, quelque nature que ce soit, c'est d'écouter leur silence. De toute façon, elle impose, en quelque sorte, cette perception d'un silence. Mais c'est encore plus compliqué, peut-être que ne le dit Chateaubriand, parce qu'ailleurs, c'est plutôt Ruskin qui a souligné ça, que, en général, une végétation pousse dans les anfractuosités des ruines. Et cette végétation est elle-même silencieuse. Et il y a en quelque sorte une confrontation de deux silences, un silence très lointain, celui de la ruine, et ce silence qui parle, finalement, aux spectateurs, des herbes ou des végétaux. On entend l'herbe pousser, quelquefois. Oui, c'est ce que dit Thoreau. Et du moins, il se met près des plantes pour essayer d'entendre pousser. Il y a aussi des ruines qui font bloc. Puisque vous parliez de Chateaubriand, pour Chateaubriand, il y a trois grandes ruines. C'est l'Escurial. Et effectivement, même encore aujourd'hui, si vous avez l'occasion de visiter l'Escurial, c'est vraiment un bloc de silence, quoi, l'Escurial. Et tout ce qu'on imagine des rois d'Espagne du temps, le silence est très pesant. Donc pour lui, c'était l'Escurial, Port-Royal, à la fin du XVIIe siècle. Les jansénistes, oui. Et Soligny-la-Trappe, donc la grande trappe où les moines ne parlent pas. Il y a un autre lieu qui n'est pas si loin des ruines, je pense au cimetière. Le silence des cimetières, vous relevez dans votre livre Alain Corbin une citation de Zola dans Une page d'amour qui évoque Madame Rambaud se recueillant dans le cimetière sur la tombe de sa fille. Il écrit « Le glissement sans fin de ses blancheurs s'épaississait. On aurait dit des gazes flottantes déroulées fil à fil. Pas un soupir ne montait. Les flocons se posaient un à un, sans cesse, par millions, avec tant de silence que les fleurs qui s'effeuillent font plus de bruit. » et un oubli de la terre et de la vie, une paix souveraine venait de cette multitude en mouvement dont on n'entendait pas la marche dans l'espace. Oui, alors c'est à la fois le silence du cimetière et le silence de la neige qui est évoqué et qui redouble en quelque sorte l'impression et qui calme la mère qui a perdu sa fille. C'est un silence qui paradoxalement est lénifiant dans le roman de Zola. Du moins, c'est comme ça que je l'interprète. Le silence existe en tant que tel et puis il est prescrit par moments, par telle ou telle communauté humaine, dans telle ou telle conjoncture. Et je pense naturellement au monde de la religion. Le silence imposé dans les abbayes fait partie directement du sujet que nous traitons ce matin. Alain Corbin, écoutez cette interview du père Jean-Luc, qui est bénédictin de l'abbaye de la Source, une abbaye qui est à Paris. C'est une archive tirée de l'atelier de création radiophonique sur France Culture le 26 avril 1992. C'est Alain Trutat qui était l'inspirateur de l'atelier. Père Jean-Luc, quel rôle que joue le silence pour votre exercice ? Le silence, c'est le lieu neutre, le lieu où on peut justement entendre une réalité qu'on ne voit pas, qu'on ne palpe pas, qu'on ne connaît pas. Et justement, la tradition monastique veut que le silence soit le lieu de la rencontre privilégiée avec Dieu et également avec soi-même. Donc, on peut parler du silence comme le lieu privilégié de la prière et de la rencontre avec l'invisible, avec Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à rechercher ce silence et être également à l'écoute de la parole de Dieu, dans la mesure où le silence est justement l'espace dans lequel la parole va résonner? À ce moment-là, il prend tout son sens, toute son importance, et je crois qu'il devient indispensable. Donc, espace où résonne la parole. Pour le non-croyant, le silence n'est-il pas justement la non-parole de Dieu ? Effectivement, il y a une possibilité de se retrouver dans un silence qui est vide, et donc qui fait peur, qui réveille ses propres angoisses, je dirais la partie de soi-même qui nous fait peur, la raison résonnante de nous-mêmes qui pourrait nous faire peur, mais dans la mesure où justement ce lieu de silence est un dialogue avec un autre, alors notre moi se tait et la parole de Dieu doit... Elle jaillit à un moment donné. Enfin, si on a la foi et si on se met dans les conditions pour l'écouter. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. C'était une émission de Norbert Aboudaram. Alain Corbin, on voit là à la fois la peur et la sérénité recherchée qui s'entremêlent. Oui, c'est surtout la présence de Dieu, l'écoute de Dieu qui est recherchée. On parle beaucoup de la peur. Oui, en même temps, parce que ça va avec. Mais il n'y a pas de prière sans silence. Ça a été dit, je ne vais pas remonter au père du désert, mais au XVIIe siècle, fin XVIe ou XVIIe siècle, aussi bien Ignace de Loyola que les mystiques, que Jean de la Croix, etc., souligne qu'il faut faire silence absolument, et si possible la nuit d'ailleurs, c'est mieux, pour se mettre en disponibilité pour, en quelque sorte, pouvoir écouter la parole de Dieu. Donc il n'y a pas de prière sans silence. C'est une banalité, tous les moines le savent, et en particulier les chartreux, les moines de la Trappe. Hein. Vous évoquez la nuit, c'est important, la nuit comme... espace nocturne. Déjà Lucrèce, dans l'Antiquité romaine, évoquait l'austère silence de la nuit dans le De Natura Rerum. Alors, le silence de la nuit est un silence particulier. Très curieusement, je pense que nos contemporains, moi le premier, ne connaissent pas la nuit obscure, c'est-à-dire la nuit totale, dans laquelle il n'y a pas de lune, dans laquelle il n'y a aucune lumière artificielle, ça n'existe plus, pratiquement. Des générations ont connu cette nuit obscure totale. La nuit était le royaume d'un silence dangereux, inquiétant, mystérieux. Selon les régions, selon les milieux, cela s'est effacé au cours du XIXe siècle. Alors aujourd'hui, le silence de la nuit, qui est très peu connu, hein, parce que encore une fois, la nuit fait du bruit, sauf à l'intérieur. Hein. Le bruit et la lumière ont envahi la nuit, c'est ce que vous oui, dites. Oui, le silence de la nuit est inquiétant encore aujourd'hui, ça c'est absolument évident, ne serait-ce que par le présence éventuelle du cauchemar. Mais c'est Victor Hugo qui, en sens inverse, écrivait dans Les Contemplations « Je suis l'être incliné qui demande à la nuit le secret du silence ». Il n'y a pas que dans les monastères qu'on impose le silence. L'intrusion du silence imposé est une des marques, nous dites-vous, du XIXe siècle. Il était déjà là, chez les éducateurs du siècle précédent, qu'il s'agisse des jésuites, des oratoriens, etc. L'élève devait faire silence et respecter à la fois le maître et le régent. Hein, ça, c'est très, très important. Dans les écoles, au fond, le XIXe siècle ne fait que d'adopter des techniques antérieures. Mais ce silence, aujourd'hui, on aurait beaucoup à dire, ce silence dans les écoles, c'est filoche, en quelque sorte. Peut-être même, le maître invite à rompre. Alain, le philosophe, a une très belle formule à ce propos, concernant les écoles, c'était un grand pédagogue, le silence est contagieux comme le rire. Donc, si on commence à imposer le silence, il est contagieux. Il ne faut pas le laisser rompre au départ. Quoi. Voilà. Il y a un monde qui exige beaucoup de silence, bien que ce soit paradoxal, compte tenu du bruit, du vacarme alentour, c'est l'armée. Silence dans les rangs. Bien sûr. Et puis la grande muette. En plus de ça. Oui, l'armée, c'est un grand lieu de silence. Bon, il y en a. Hein. Il y a le problème du silence de la guerre, le silence de la violence. Le silence de la guerre est multiple, c'est-à-dire que le silence brutal qui interrompt les bruits de la canonnade à la fois rassure et inquiète. On le voit en 14-18 d'ailleurs. Oui, rassure parce que, bon, le silence, il n'y a plus d'obus, inquiète parce que est-ce qu'il n'y a pas derrière ce silence quelque chose qui se prépare ? Le silence fait donc peur. Je pense à des caricatures présentant le permissionnaire. Le permissionnaire qui dort à côté de sa femme, qui est réveillé par le silence parce que il n'avait plus du tout l'habitude de ce silence dans les tranchées. Et donc, par une inversion en quelque sorte, il se réveille. Il y a aussi un silence de la mémoire imposée. D'où vient l'usage et l'expression de minute de silence ? L'histoire de la minute de silence, elle est amusante, cette minute de silence. C'est évidemment une sécularisation d'un rituel religieux. Je pense que ceux qui la vivent ne le savent peut-être pas, mais ça va de soi. Il semble que ce soit en 1910 que les Portugais ont inventé, si l'on peut dire, la minute de silence. Hommage au Portugal. Le Parlement portugais a observé, en mémoire d'un ministre brésilien des Affaires étrangères qui avait reconnu le premier la République portugaise, le Parlement portugais a observé une demi-heure de silence. Silence effrayant. Une demi-heure de silence. Et le jour suivant, le Sénat a observé 10 minutes de silence. Puis par la suite, au Portugal, les 10 minutes sont passées à 5 minutes, puis à 1 minute, comme c'est le cas aujourd'hui. Et c'est en fait la guerre de 14-18 qui a amené l'installation de cette coutume après la victoire des Alliés. Oui, voilà. Une loi du 25 octobre 1919 l'a prévue, cette minute, mais elle n'a été observée pour la première fois que le 11 novembre 1922. Auparavant, c'était plutôt, on sonnait les cloches et on tirait le canon. Voilà. C'était le bruit alors, contre le silence. C'était exactement. On est passé du vacarme, puisque le canon et les cloches, on ne peut pas plus terrible vacarme. On est passé du vacarme au silence. Le 19e siècle, à cet égard, s'éloigne de nous, parce que c'est le siècle où s'installe la politesse du silence. Vous avez consulté les manuels de savoir-vivre, qui sont toujours passionnants à considérer. Je pense celui de la baronne Staff, par exemple. Ah bah oui. On voit comment en famille et comment dans le monde, une certaine qualité de silence est imposée comme une marque de civilisation, ou de civilité en tout cas. Bien sûr. Le métayer ou le domestique doit se taire sans, s'il n'est pas invité à parler par le maître. L'enfant aussi, en face de ses parents. L'enfant se tait. À table. À table. J'ai l'âge suffisant pour avoir connu ça, être présent à table, mais ne pas parler si on ne donne pas la parole. J'ai des souvenirs de vieux paysans dans mes ancêtres, avec grosses moustaches noires, chez lesquels on allait passer la journée, manger une poule au blanc avec du riz à l'impératrice et des tas de choses. Ce monsieur faisait peur, au bout de la table. S'il ne donnait pas aux enfants la parole, l'idée n'en serait pas venue à nous, enfants, de rompre le silence ou surtout d'intervenir dans la conversation des adultes. Mais cette injonction du silence, elle remonte à très loin, peut-être même à la cour de Byzance, que sais-je encore. Mais surtout, avec la civilisation des mœurs, l'intériorisation des normes qu'elle implique, à la société de cour, il faut savoir parler quand il faut, mais surtout avoir l'art de se taire. Fénelon d'ailleurs le souligne dans Télémaque, celui qui gouverne doit le plus souvent se taire, doit avoir une parole rare. Vous n'imaginez pas Louis XIV bavardant n'importe comment à la cour, hein, ça va de soi. Il avait la chance qu'il n'y ait pas de micro qui se tendait constamment. D'autre part. C'est De Gaulle qui a dit que le prestige ne va pas sans quelque éloignement. Et donc, ben oui, oui, c'est évident. Et le XVIIIe siècle, les moralistes du XVIIIe siècle ressassent l'idée qu'il faut savoir se taire, que se taire est tout un art, qu'on se met en danger quand on parle, etc., etc. Mais ce silence aussi est le silence des paysans, hein. Ce sont des taiseux, comme on dit au Québec. Bah oui, le paysan est un taiseux, il doit être un taiseux au XIXe siècle. C'est-à-dire, il doit cacher tous les secrets de la famille, rien divulguer. Et plus subtil, il doit cacher ses ambitions secrètes. Ces ambitions secrètes qui sont en général d'acquérir une pièce ou plusieurs pièces de terre pour augmenter ses propriétés. Donc il faut surtout se taire. Et puis il y a aussi des tares qui circulent dans les familles. Il faut savoir se taire. Même si l'on est appelé au tribunal, quand on est un paysan, il faut savoir être taiseux comme témoin. Et utiliser la parole rare, riche, dense, etc., dans son propre intérêt, en fonction de stratégies secrètes. Donc, le père Fouan, dans La Terre de Zola, c'est un personnage, on revient à la fiction, il reste un an dans une petite maison sans parler. Justement parce qu'il est empli de toutes ces stratégies. Les historiens du politique ont mal compris, par exemple, la politisation des campagnes, à mon sens. Votre première grande œuvre était consacrée au Limousin et à ses pratiques politiques. On s'est imaginé que les émissaires des démocrates socialistes, des gens de gauche, disons, sous la Seconde République, envoyés dans les campagnes, avaient facilement converti nombre de ces campagnes, qui effectivement ont voté démocrates, socialistes, etc. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Quand un émissaire parisien entre dans une auberge de campagne du Massif central ou du Sud-Ouest, d'ailleurs, faut pas croire qu'il est accueilli sans réserve. Le silence se fait. Le silence se fait. Les paysans sont taiseux. Ils l'écoutent au besoin. Quand il est sorti, ils s'en moquent, bien souvent. Et surtout, ils réfléchissent aux avantages qu'ils pourraient tirer de tel ou tel message, de tel ou tel ralliement demandé, etc. Ce ne sont pas des sirmoles, ces paysans du XIXe siècle. Ce sont des taiseux qui réfléchissent en groupe quand l'émissaire parisien est sorti. D'ailleurs, s'il voit qu'il y a quelque intérêt à voter pour des nobles conservateurs, ben, ils le feront comme dans la Manche. S'il voit qu'il y a quelque intérêt à voter au contraire, comme dans la Creuse, si vous voulez que j'étudie, qu'ils peuvent tirer quelques bénéfices de l'autre bord, ils raisonneront, en quelque sorte, en fonction de leur intérêt. Le message sera toujours réaménagé. Il me semble que cette républicanisation des campagnes a été analysée d'une façon un peu frustre. Cette civilisation des mœurs, ce comportement nouveau qu'impose le 19e siècle, notamment dans le monde bourgeois, c'est aussi le silence des corps. Les corps sont beaucoup plus bruyants précédemment. Ah ben oui, bon ça, c'est depuis la civilisation des mœurs, hein, de la Renaissance, soulignée par Norbert Elias, etc. Oui, il y avait la maladie verte, par exemple. La maladie verte, c'était la crainte des femmes qu'elles avaient de péter en public. Cette crainte les amenait à se retenir, je ne sais pas comment, et en arriver à quelque chose de pathologique. C'est terrible. Qui a été décrit par les médecins du 19e. Et c'est vrai aussi du côté de la jouissance des corps. Oui, bien sûr. Le silence dans le plaisir est une injonction au 19e siècle, notamment pour les femmes. Lorsque j'ai étudié la prostitution, les filles de noces, je me souviens d'archives nombreuses de gens qui se plaignaient d'entendre la jouissance féminine. Considérés donc comme un délit, puisqu'ils appelaient la police pour ça. En revanche, aujourd'hui, au cinéma, à la télévision, c'est une injonction inverse. C'est-à-dire que s'il n'y a aucun bruit, c'est assez rare, hein. Disons que la jouissance féminine est assez largement entendue. Et dans les hôpitaux, c'est l'inverse. À cause de la valeur rédemptrice du silence chrétien, puisque le Christ a racheté l'homme dans la douleur est considérée comme rédemptrice. Et du même coup, le cri de douleur dans un hôpital n'était pas interdit. Je pense à tous ces hôpitaux dans lesquels les bonnes sœurs s'occupaient des malades. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Il ne faut pas. On n'entend plus de cris de douleur dans les hôpitaux parce que ça voudrait dire, d'une part, que les médecins ont mal fait leur travail, n'ont pas donné d'analgésique, que le malade n'est pas raisonnable, et que d'autre part, on a complètement oublié la valeur rédemptrice de la douleur. Le jeu du silence dans le plaisir et dans la douleur est extrêmement complexe. On retrouve, je crois, cette complexité dans un beau texte de Maurice Maeterlinck. Vous aimez les écrivains venus du Nord, Alain Corbin. C'est un extrait du Trésor des humbles de Maeterlinck, qui date de 1896, et qui est lu de sa façon incomparable par Sacha Guitry, Le silence. Le silence de Maurice Maeterlinck. Il ne faut pas croire que la parole serve jamais aux communications véritables entre les êtres. Dès que nous avons vraiment quelque chose à nous dire, nous sommes obligés de nous taire. Nous ne parlons qu'aux heures où nous ne vivons pas, dans les moments où nous ne voulons pas apercevoir nos frères et où nous nous sentons à une grande distance de la réalité. Et dès que nous parlons, quelque chose nous prévient que des portes divines se ferment quelque part. Aussi sommes-nous très avares du silence, et les plus imprudents d'entre nous ne se taisent pas avec le premier venu. L'instinct des vérités surhumaines que nous possédons tous nous avertit qu'il est dangereux de se taire avec quelqu'un que l'on désire ne pas connaître ou que l'on n'aime point. Car les paroles passent entre les hommes, mais le silence, s'il a eu un moment l'occasion d'être actif, ne s'efface jamais. Et la vie véritable, et la seule qui laisse quelques traces, n'est faite que de silence. Rassemblez vos souvenirs dans ce silence auquel il faut avoir recours encore afin que lui-même s'explique par lui-même. Et s'il vous est donné de descendre un instant dans votre âme jusqu'aux profondeurs habitées par les anges, ce qu'avant tout vous vous rappellerez d'un être profondément, ce n'est pas les paroles qu'il a dites ou les gestes qu'il a faits, mais les silences que vous avez vécus ensemble. Car c'est la qualité de ce silence qui seule a révélé la qualité de votre amour et de vos âmes. N'est-ce pas le silence qui détermine et qui fixe la saveur de l'amour? S'il était privé du silence, l'amour n'aurait ni goût ni parfums éternels. Qui de nous n'a connu ces minutes muettes qui séparaient les lèvres pour réunir les âmes? Il faut les rechercher sans cesse. Il n'y a pas de silence plus docile que le silence de l'amour. Et c'est vraiment le seul qui ne soit qu'à nous seuls. Les autres grands silences, ceux de la mort, de la douleur ou du destin, ne nous appartiennent pas. Ils s'avancent vers nous du fond des événements à l'heure qu'ils ont choisie, et ceux qu'ils ne rencontrent pas n'ont pas de reproches à se faire. Mais nous pouvons sortir à la rencontre des silences de l'amour. Ils attendent nuit et jour au seuil de notre porte, et ils sont aussi beaux que leurs frères. Grâce à eux, ceux qui n'ont presque pas pleuré peuvent vivre avec les âmes aussi intimement que ceux qui furent très malheureux. Et c'est pourquoi ceux qui aimèrent beaucoup savent aussi des secrets que d'autres ne savent pas. Car il y a, dans ce que taisent les lèvres de l'amitié et de l'amour profond et véritable, des milliers et des milliers de choses que d'autres lèvres ne pourront jamais taire. Il me semble qu'est ramassé dans ce beau texte de Maeterlinck, Alain Corbin, la plupart des thèmes que nous évoquons dans cette émission consacrée au silence à travers les derniers siècles. C'était un texte magnifique, j'allais dire, tout est dit. Je ne vois pas ce qu'on peut dire de plus beau et de plus profond sur le silence que ce texte de Maeterlinck. Il fait allusion à un certain moment au silence de l'amitié. Or, le silence de l'amitié va aussi très profondément en accord avec le silence. C'est Peggy qui souligne ailleurs donc que deux amis qui sont très profondément amis n'ont pas besoin de parler lorsqu'ils se promènent et lorsqu'ils marchent ensemble en silence. Donc on retrouve à propos de l'amitié comme les amants ce qui vient de dire Maeterlinck à propos des amants. Il y a là le silence maîtrisé, le silence dominé, le silence qui se fait adjuvant des passions, ce qu'elles ont de meilleur. Et puis il y a le silence imposé, celui de la peur, celui de l'effroi, qu'on a vu circuler aussi à travers toutes les citations que nous venons de faire. Oui, il y a d'abord l'effroi suscité par ceux qui ont la foi depuis la Bible, si vous voulez, l'écriture de la Bible, le silence de Dieu. Comment Dieu peut-il se taire face à tout le tragique de l'existence humaine? C'est dit dans les psaumes. Le Christ au Golgotha reprend ce thème et ça n'a cessé d'être dit, même par les plus grands saints. Quand les plus grands saints se mettent à douter, c'est en général à cause du silence de Dieu, qu'ils n'entendent pas. C'était dit par Sainte Thérèse dans l'Enfant Jésus, pareil que Mère Teresa aussi, etc., etc. Donc, ce silence de Dieu qui effraie Vigny par ailleurs dans son poème sur le Mont des Oliviers, dans lequel il dit « Comment Dieu peut-il se taire face à tous les malheurs du monde ?» Et dans la période toute contemporaine, évidemment, les grands événements tragiques tels que la Shoah restent un mystère pour les croyants. Ce mystère est celui du silence de Dieu. Donc, il y a d'abord ça comme base. Il y a une autre base dans la Bible, c'est que lors de la création, le monde faisait silence. Ce que d'ailleurs évoque assez bien Haydn dans la création, justement. Donc le silence initial de la création et le silence de Dieu au cours de l'histoire humaine. Voilà deux silences qui ont été très, très pesants et très tragiques. Puisque on évoque le tragique du silence. C'est exactement ce qu'évoque Alfred de Vigny dans un poème fameux. S'il est vrai qu'au jardin sacré des Écritures, vous évoquez ça un instant, Alain Corbin, s'il est vrai qu'au jardin sacré des Écritures, le Fils de l'homme y dit ce qu'on voit rapporter, muet, aveugle et sourd aux cris des créatures, si le ciel nous laissa comme un monde avorté, le juste opposera le dédain à l'absence. Et ne répondra plus que par un froid silence au silence éternel de la divinité. Mais chez Vigny, ça ne va pas jusqu'à la perte de la foi. Ça reste une interrogation. Et il y répond par le dédain. Le dédain face à Dieu, qui est évidemment une tactique ou un élément rare, si vous voulez, qui ne correspond pas à la perte de la foi que connaîtront pratiquement les grands écrivains du XXe. Nous évoquons la littérature, bien sûr, abondamment, mais les relations entre la peinture et le silence sont également intéressantes. Je pense au livre de Claudel qui s'appelle « L'œil écoute ». On y est en plein. C'est magnifique, « L'œil écoute ». Pour Claudel, en particulier, les peintres hollandais savaient faire ressentir le silence quand on contemple leurs œuvres. La ronde de nuit de Rembrandt est pleine de silence, ou du moins d'un silence qui est peut-être accompagné d'un bruit secret qui circule dans ce silence, si vous voulez, c'est paradoxal. Le retour de l'enfant prodigue de Rembrandt est un grand tableau aussi de silence. Or, les contemporains savaient écouter le silence de ces toiles. Et on peut se demander aujourd'hui si ce regard, cette écoute de silence ne s'est pas perdu. D'abord, à cause de la foule qu'il y a dans les expositions, qui ne vous permet pas de vraiment faire silence face au tableau. Et la ferveur qui est enfuie. Oui, on attendait au XVIIe siècle, par exemple, du tableau qu'il vous inspire quelque chose. Et on ne le ressent plus guère aujourd'hui. Le tableau de la tour Saint-Joseph, qui figure dans le livre, est un magnifique tableau de silence. D'ailleurs, la tour dans l'ensemble est un peintre de silence. Joseph, c'est beaucoup tus, c'est encore un taiseux, Joseph. Ah ben, Joseph, il n'a jamais... Je suppose qu'il apparaît, mais on n'a aucune trace d'une parole, d'une seule parole de Joseph. Incarnation du silence. Matthieu, qui en parle le plus, l'évangéliste Matthieu, raconte des choses sur lui, mais aucune parole. Aucune parole. C'est un bloc de silence, c'est ce qui fait que Charles de Foucault, celui qui a été assassiné, vous le savez, plus tard... Celui qui avait été chercher le silence dans le désert. Il avait été chercher le silence dans ce désert, et surtout, il voulait faire de sa vie une vie de Nazareth. Parce que, pendant les 30 premières années de la vie du Christ, c'est à Nazareth le silence. Et il s'interroge donc sur la portée de ce silence initial. Le dernier moment de toute réflexion sur le silence, comme celle que nous conduisons ce matin, Alain Corbin, conduit forcément à l'effroi, à la peur éventuelle devant un silence ultime, celui qui surviendra lorsque le monde connaîtra sa fin. On trouve d'ailleurs certains aspects de l'Apocalypse que nous évoquions tout récemment dans une émission avec Denis Crouzet. Pour résister à l'effroi, pour résister à... La certitude de la destruction finale, c'est précisément de retrouver le silence qui pourrait être terrifiant. Et c'est ce qui est exprimé dans un autre célèbre ou célébrissime poème d'Alfred de Vigny, le même Vigny, qui s'appelle « La mort du loup ». Je ne résiste pas au plaisir de vous faire entendre un fragment de ce poème de 1843, lu par Jean-François Poron dans l'émission qui s'appelait « Le dictionnaire des vedettes » d'André Gillois, le 28 mai 1961. Il nous regarde encore, ensuite il se recouche, tout en léchant le sang répandu sur sa bouche. Et, sans daigner savoir comment il a péri, refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri. Hélas, ai-je pensé, malgré ce grand nom d'homme, que j'ai honte de nous, débiles que nous sommes. Comment on doit quitter la vie et tous ces maux, c'est vous qui le savez, sublimes animaux. Avoir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse, seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Ah, je t'ai bien compris, sauvage voyageur, et ton dernier regard m'est allé jusqu'au cœur. Il disait, si tu peux, fais que ton âme arrive à force de rester studieuse et pensive, jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté, où, naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté. Gémir, pleurer, prier est également lâche, fait énergiquement ta longue et lourde tâche, dans la voie où le sort a voulu t'appeler. Puis, après, comme moi, souffre et meurs sans parler. Sans parler, Alain Corbin, on retrouve là un long fil qui se déroule depuis les stoïciens. Oui, surtout, surtout les stoïciens dans ce poème, beaucoup plus que le christianisme, à mon sens. Alors il reste le plus tragique de tous les silences, celui qui règnera quand la Terre sera morte, quand la planète aura disparu, quand s'accomplira sa dissolution dans le silence, le jour où tout se taira, dont parle le même Vigny. Vous terminez votre ouvrage sur l'histoire du silence, Alain Corbin, en citant un très beau poème, oublié, mais je trouve très beau, de Le Comte de Lisle, dans les poèmes barbares, et qui exprime exactement cela. Tourment, crime, remords, sanglots désespérés, esprit et chair de l'homme, un jour vous tairez. Tout se taira. Dieu, roi, forçat et foule vile. Le rauque grondement des bagnes et des villes, les bêtes des forêts, des monts et de la mer, ce qui vole et bondit et rampe en cet enfer. Tout ce qui tremble et fuit, tout ce qui tue et mange, depuis le ver de terre écrasé dans la fange, jusqu'à la foudre errant dans l'épaisseur des nuits, d'un seul coup, la nature interrompra ses bruits. C'est magnifique d'ailleurs. Il évoque plus loin qu'il ne restera même pas de la terre des éléments, mais simplement de la poussière. De la poussière qui se perdra dans le cosmos. Eh bien, je vous propose que nous nous arrêtions au bord de ces vertiges, Alain Corbin. Je vous remercie d'être venu nous parler de l'histoire du silence, le titre de votre livre, qui porte comme sous-titre « De la Renaissance à nos jours ». Et il vient d'être publié chez Albin Michel en 2016. Et puis, je ne voudrais pas terminer cette émission sans rendre un hommage chaleureux à l'édition qui vient d'être donnée avec une préface de Pascal Horry dans la collection Bouquins chez Robert Laffont de plusieurs de vos livres majeurs sous l'intitulé « Une histoire des sens ». On y retrouve en particulier « Le miasme et la jonquille », un livre qui a fait école, une histoire de l'odorat, c'était un sujet tout à fait neuf, « Le village des cannibales » qui étudie un cas de folie collective au cœur d'une province française au tournant du Second Empire et de la Troisième République. Le dernier livre qui se retrouve dans ce recueil de la collection Bouquins, c'est un livre que nous sommes nombreux à aimer beaucoup, qui s'appelle « Le monde retrouvé » de Louis-François Pinago. Vous avez eu l'idée originale et féconde de vous lancer sur la trace d'un inconnu, piqué avec une aiguille au hasard d'un état civil. C'était un sabotier analphabète du 19e siècle et vous lui avez rendu, quelle chance posthume il a eu, il ne devait pas s'y attendre, une dimension historique majeure. Oui, en fait, c'était pour souligner le fait qu'on ne peut pas retrouver les émotions, les sentiments d'une personne disparue tout près de nous, finalement, au 19e siècle, s'il n'a pas laissé d'écriture de soi. Or, 99% de ceux qui ont vécu cette époque n'ont pas laissé d'écriture de soi, n'ont pas été décrites par quelqu'un, donc sont irrémédiablement disparus. Et cette disparition proche, si vous voulez, m'a intrigué, je ne sais pas quel sentiment en dire. Je voulais souligner le fait que ceux qui s'intéressent à la généalogie, ce qui est très bien, devraient aussi, à propos de ceux qu'ils ont repérés comme ancêtres, essayer de se livrer à une enquête de ce type. Ça enrichirait certainement de beaucoup leur travail. Eh bien, tous les généalogistes, Alain Corbin, vont lire cet ouvrage paru chez Bouquins, Une histoire des sens, avec une préface de Pascal Horry. Vous pourrez, mes chers auditeurs, trouver une bibliographie plus complète, notamment l'ensemble de l'œuvre d'Alain Corbin, sur notre site avec les références des documents que nous avons utilisés. Et vous pourrez, vous le savez, écouter, réécouter, télécharger très longtemps cette émission. Samedi prochain, nous retrouverons un sujet que nous avions dû différer. Tout récemment, nous allons retrouver l'orthographe. L'orthographe, la réforme de l'orthographe, on y revient, c'est presque aussi régulier que la chute des pommes. L'orthographe modernisé, violenté, point d'interrogation, et je recevrai le grand spécialiste de l'histoire de la langue, qui est Bernard Cerchiglini. Eh bien, c'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur, avec aussi Jeanne Guéroux, une émission réalisée comme chaque samedi par Patrick Molinier, avec à la prise de son Bruno Gagnère-Fontanille, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, elle nous fait l'amitié d'être derrière la vitre, Aude Vassan. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine O'Krent pour Affaires étrangères.